s'offrir en vain. Le rire tu m'as montré depuis un chemin. Et bien pour demain pour pouvoir faire quelque chose, oh oui, de ma voix. Telle est ma voix, oui, telle est ma foi. Alors je sente, oui, le poids de ma croix. Cette prière est pour toi, mon père. Pour toi, ma mère, oui, la mère. Pour mes frères, écoutez les prières. Yahweh du Yahweh, il les est fait. Il se terre aujourd'hui sur terre. Il se terre aujourd'hui sur terre. Babylone, Babylone, ton gars sonne. Babylone, Babylone, ton heure sonne. Babylone, Babylone, ton gars sonne. Comme hier à l'époque. Seigneur, mes enfants t'attendent depuis longtemps. Plus de prairie et il n'y a plus de sang. Alors ils cherchent la verdure, mais ils trouvent que des murs. Quel avenir pour leur progéniture? Dans ce monde d'hydrocarbures, alors dis-moi, oui, quel futur? Dans ce monde d'hydrocarbures, alors dis-moi, quel futur? Babylone, Babylone, ton glaçon. Babylone, Babylone, ton heure sonne. Babylone, Babylone, ton heure sonne. Comme hier à l'époque de Sodome. Fire them, Babylone, si c'est. Tu fais qu'aujourd'hui les jeunes n'ont plus sa haine. Fire them, Babylone, si c'est. Petit système qui fait qu'aujourd'hui on a trop sa haine. Fire them, Babylone, si c'est. Fire them, ton système de haine. Fire them, aujourd'hui tout le monde a trop sa haine. Babylone, Babylone, ton glace sonne. Babylone, Babylone. Babylone, Babylone, ton glace sonne. Comme hier à l'époque de Sodome. Babylone, ton glaçon. Comme hier à l'époque.